les échangeurs d'air avec vous jusqu'à 22h30. Michel Marcoux au microphone et Jean-Philippe, oui, Boisbriand fait tout le reste au complet, dont la sélection musicale. Aujourd'hui, on commence avec des trucs avec des jolis noms comme Schlamm, Pete Seeger, puis un autre type qui fait la pièce Herbs Spaziergang, et des trucs comme ça. Jean-Philippe m'en a mis quelques-unes pour me faire pratiquer. Oh, je viens d'en voir une jolie encore. Alors, de l'électronique, de l'exotica et des groupes féminins pour aujourd'hui. Mais ça a commencé comme ça, des échangeurs pour cette semaine. Avec d'abord Schlampetziger, qui nous faisait Smooth Motion Kraut, sur un album qui s'appelle Damen Bart Blick of Pregnant Hill. C'est un truc qui date de 2018. Et notre ami Schlampetziger, il s'appelle Josie Merman. Alors on va l'appeler Josie Merman dorénavant. Et on dit qu'il c'est des mélodies de nature complexe avec des vibrations et tout ça est mystérieux. Voilà, je pense que c'est la meilleure façon de résumer ce que j'ai lu sur lui. « A magnetic curiosity drives this folklorist of the self deep into the thickets of the world. » Vous voyez un peu le genre. Et ensuite, on est passé à Karl Osterhelt, qui nous faisait « Herbstspaziergang » sur « 11 Pieces for Synthesizer ». Et lui, c'est un type qui faisait partie du groupe FSK, Freiwillig Self-Control, et il a fait toutes sortes de choses. Il a participé au groupe Merix aussi et bien d'autres trucs, mais on trouve pas une tonne d'informations sur lui. Marnie Weber, nous faisait Songs Hurt Me sur Songs Hurt Me de 88. Artiste multidisciplinaire qui fait de la vidéo, cinéma, des trucs multimédia, des performances avec des projections, des expositions, des collages, etc. Et de la musique aussi, avec les Spirit Girls. Et aussi, elle a fait des trucs avec The Party Boys et The Perfect Me aussi. Alors, elle fait de jolies choses. Cluster, avec un Q cette fois-là, parce que c'est de 2018, un groupe dans lequel il reste seulement Rodelius, Joachim Rodelius. Il nous faisait Symbia sur l'album qui s'appelle Elemente, ou quelque chose du genre. Alors, Cluster, qui, au départ, il y avait Hans-Joachim Rodelius, Dieter Moebius et Connie Plank. C'est ça. Et c'est un peu drôle. Oui, c'est ça, Chris, parce qu'on met 2010 pour Hans-Joachim Rodelius, comme s'il était mort à ce moment-là. Mais c'est une des versions du groupe qui s'est arrêtée à ce moment-là, avant de reprendre plus tard. Operating Theater nous faisait Ramp Walk sur Miss Mugger de 1983. Operating Theater, on sait que c'est une compagnie de théâtre irlandaise. Ça a été fondé par Roger Doy et Olven Fuere pendant Noël 1980. Vous voyez, alors ce sont mes informations là-dessus. Puis on a terminé avec Fruits Frais, Frisk Fruit, qui nous faisait, sur tiré de Gold Trumpeten, Uglerunde Ojne Seite Til Med Skalsaersin, ou quelque chose du genre. Ce qui signifie sans doute quelque chose en danois. Et lui d'ailleurs, il a fait des trucs, comme on dit, il est passé du Burkina Faso au Danemark. Pour nous faire sa musique qui est beaucoup du collage. En fait, sur cet album-là, d'ailleurs, on parle d'un type qui s'appelle Anders Tambourinoceros. Comment on appelle ça? Europeiske Spelsbu, ce qui signifie le European Mirror Arc. Alors, on avait des artistes sur lesquels on n'a pas tant de renseignements, mais qui ont l'air bien gentils tout de même. Et qu'est-ce qu'on va avoir après? On s'en va faire un tour du côté de Kit Sebastian, Pram, Kumi Solo et bien d'autres. ovación fue nuestro juramento. Lo hicimos con honor de proteger a todo ciudadano, al buen bolivariano de tanto malhechor. Hay mucha latita suelta por ahí. La honra de nuestra institución es nuestra convicción, saberla preservar. Lo hacemos con determinación. La ambigüedad de nuestros ideales cuando hacen falta reales para poder comer. Cuando no está penando, no hay insignia que valga. Con esta delincuencia ya no es nada rentable. Esos son tiempos de la cuarta. Haciendo uso de nuestra autoridad para la inmoralidad de nuestras perversiones y nuestras fechorías también. Exigiendo en todo el territorio aporte obligatorio al guito para el café y para la cultita, para el yulito, para la merienda. Nuestra doctrina llevando la extorsión a toda la población, que no se escape nadie. Y a ponerse la alpargata porque lo que viene es oro. pendant qu'on écoute Calcutta de Enoch Light. C'est cette musique de relaxation rapide. Voilà. Ça aide à la concentration lorsqu'on veut faire un micro. Et qu'est-ce qu'on a entendu lors du dernier bloc? D'abord, Keith Sebastian qui nous faisait Mantra Moderne sur Mantra Moderne de 2019. Keith Sebastian, c'est Keith Martin et Merv Erdem qui font un genre de mélange de tropicalia brésilien, de psychédélique anatolien, de pop européenne, de jazz, tout ça mélangé ensemble avec des paroles qui sont en anglais, en français, en turc. Et c'est vraiment bon. On aime ça. On aime ça en général. Et ça fait quelques fois qu'on en met. Et il y a une jolie pochette aussi. Parce qu'on voit qu'ils sont équilibrés. Puis qu'ils ont l'air contents d'être équilibrés en plus. Puis il y a une vidéo que j'ai pas regardée. Alors vous pouvez toujours aller voir. Si vous cherchez sur le site Louder Than War, voilà. Ensuite, on est passé à Pram, A Wave of Translation, qui est tiré de l'album Across the Meridian de 2018. Pram, c'est un groupe de rock britannique originaire de où? Moseley, Birmingham, en Angleterre. Rock expérimental, pop synthétique et très arrangé. Serais-tu d'accord avec ça, Jean-Philippe? Mais en fait, ils viennent de la ville d'Arrowgate dans le Yorkshire. Voilà ce qui nous donne beaucoup plus de renseignements sur eux. Il y a eu pas mal de monde qui sont passés dans ce groupe-là, qui a été actif de 88 à 2008 et à nouveau depuis 2016. Et ce qu'on vient d'entendre, ça datait de 2018, donc c'est la nouvelle formation. Ils sont quatre. Voilà. Et on est passé à Kumi Solo qui nous faisait Jungle Lodi sur Kabuki Femme Fatale 2018. Je pense que c'est une des façons. Écoutez, Kumi Solo, c'est une des meilleures façons de résumer l'engouement que les Japonais peuvent avoir pour la France. Parfois, il y a quelque chose de chic dans le fait français pour beaucoup de Japonais. On parle dans son cas d'une Françoise Hardy japonaise. Ce à quoi je m'oppose, voilà. C'est ça, donc, ça arrive souvent qu'on retrouve ce genre de truc-là. Mais sachez que Kumi Okamoto, donc, qui est la vedette de ce groupe, a été dans le trio Conky Duet et aussi le duo Crazy Curl, que je ne connais pas, mais Conky Duet, on en a mis assez régulièrement. Il paraît qu'on peut la voir dans des vidéos de recettes de cuisine ou dans un défilé Louis Vuitton. Louis Vuitton, pourquoi pas. Puis on apprend qu'elle a 37 ans, mais je ne sais pas de quand date l'article. Alors si c'est un article qui date d'une quarantaine d'années, ben là, peut-être aujourd'hui 77 ans. Voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. maintenant, Sven Wunder nous faisait Lily sur Doku Sisek Leri. Avoir des renseignements sur lui, on a tout simplement abandonné. Même la compagnie qui édite le disque dit on n'a pas beaucoup d'informations sur ce disque-là. Ce qui est quand même assez amusant. Mais tu me disais, Jean-Philippe, qu'ils le vendent très cher, genre 70$. Hmm? 77$, voilà. Alors, vous avez failli entendre Jean-Philippe. J'essayais de le faire parler comme ça. Et comme ça, pour que les gens cessent de penser que Jean-Philippe est uniquement dans ma tête. Fumasa Preta nous faisait Matraqueo sur l'album Pepas de Pepas P-E-P-A-S et non pas P-A-Y-P-A-S-S Pepas de 2019. Un mélange, bon en fait ça veut dire Black Smoke ou fumée noire, comme ça, Fumasa Preta. On retrouve Alex Figuera qui est portugo-vénézuélien. Qui est producteur et percussionniste. Ici, adjoint Stuart Carter, qui est producteur et guitariste avec le groupe de Grits. Puis James Porch, qui est aussi dans le groupe de Grits, qui est un groupe du Tennessee, je pense, ou quelque chose du genre. C'est ça. Mais eux font tout ça à Amsterdam, qui semble une bonne place pour composer ce genre de musique. Et on a terminé avec Nemanja, qui nous faisait The Wheel of Fortune sur Tarot Funk de 2019. Et effectivement, eux ont fait, ont basé, en fait, chaque pièce correspond à une carte du tarot, semble-t-il. Mais ils jouent pas tant sur le côté mystique du tarot. Ils font plutôt un mélange de rock anatolien des années 70, de funk thai, de psych rock cambodgien, puis du dub, de l'afro-funk, puis tout ça mélangé pour faire du tarot funk. Voilà, ou du tarot funk. Je ne sais pas comment on devrait le prononcer. Je n'ai jamais joué au tarot en anglais. C'est ça, on peut dire qu'ils viennent de Croatie. Voilà, alors il se passe de bien belles choses en Croatie. Qu'est-ce qu'on va avoir pour terminer donc notre dernier bloc? Je pense que c'est très féminin. Oui, très féminin, mais avec d'abord quelqu'un qui parle, qui nomme des groupes féminins et ensuite des groupes féminins. Anderson. Oh, make no, you make no sense. You make no, you make no sense. You make no, you make no sense. You make no, you make no sense. Say you, you, you make no sense at all. I said you, you, you make no sense at all. No sense at all. Là, ça se terminait comme ça, comme ça. Comment ça se terminait? Ah oui, Ruben Steiner nous faisait Girls sur Say Hello to the Dawn of Paradox de 2019. Le type, en fait, Ruben Steiner, il s'appelle Frédéric Landier. C'est un musicien qui joue un peu de tout, guitare, basse, clavier, et puis disc jockey aussi. Puis il a sorti ce truc-là où est-ce que il nomme plein de groupes féminins, d'artistes féminines, ça avec une voix qui je sais pas qui. Je sais pas si je pourrais le trouver quelque part, mais somme toute, c'était un bon prélude pour le bloc qui allait suivre, qui était principalement féminin. Voilà, Moonlight suivait avec cette chanson du groupe Bush Tetras, qui est sur une compilation qui s'appelle Boom in the Night Original Studio Recording, de trucs de 80 à 83, paru en 95. Bush Tetras, c'est d'abord un groupe no wave ou post-punk, post-punk américain, principalement féminin, originaire de New York. Qui a commencé dans les années 80, puis qui a repris, en fait, il a commencé en 79, fini en 83, repris de 95 à 98, et depuis 2005, même si Laura Kennedy, une des fondatrices une des premières du groupe, est décédée en 2011, ils ont quand même continué. Au départ, il y avait Pat Place et la chanteuse Cynthia Slay, qui ont démarré la chose, puis il y a eu plusieurs autres personnes qui se sont joints à la formation, mais le groupe est toujours resté principalement féminin. Ensuite, Lizzie Mercier des Clous nous faisait Wawa sur Press Color de 1979, décédée malheureusement elle aussi à 47 ans quand même en 2004, ça fait quand même déjà un petit bout de temps. S'appelait Martine Elisabeth Mercier et elle est partie à un moment donné à New York, après avoir fait partie un peu de la New Wave française. Elle est partie à New York et c'est là que sa carrière a vraiment pris de l'ampleur. Je pense pas qu'elle ait déjà été une très grande vedette, mais elle a fait beaucoup de choses. C'est ça, elle a fait beaucoup de choses. Alors, elle a fréquenté beaucoup de monde, puis elle a participé à plein de trucs. Et on la considère comme une des pionnières du world beat aussi. Et là, on parle des fin des années 70, début 80, quand même, ce qui était assez nouveau à l'époque. Il y avait des gens qui touchaient un petit peu à ça, mais pas des masses. ESG. Nous faisait You Make No Sense sur Come Away with ESG de 83. ESG, c'est un groupe qui était fondé en 1970 de quatre sœurs, Marie, Renée, Valérie et Deborah Scroggins. Puis, ils sont pas été... en fait, c'est un groupe d'influenceuses. En plus d'avoir eu passablement de succès, quand même, elles ont vraiment influencé beaucoup de monde. Et c'est probablement... On parle de leur morceau UFO, qui est possiblement un des trucs les plus samplés par des artistes de hip-hop et des rappeurs d'un peu partout. Puis il y a eu d'autres Scroggins qui sont... Il y a eu Christelle Scroggins, Nicole Scroggins, et aussi d'autres personnes qui se sont joints au groupe, mais finalement, on a réussi à rejoindre 6 sœurs Scroggins pour former ce groupe, qui a été actif, lui aussi a eu beaucoup de gens dans le domaine du punk. Comment dire, le punk est vraiment tombé les groupes se sont séparés pour faire autre chose. Elles ont été actives de 78 à 85, 91 à 2007 et à nouveau depuis 2008. Et vraiment très forte influence de ce groupe sur beaucoup de rappeurs et de gens du hip-hop. Tick Pigeon nous faisait Crime sur Two Crazy Cowboys de 1984. Alors, c'est Miranda Stanton qui s'appelait Stanton Miranda Daly et Tech Pigeon aussi. Elle a été active au début des années 80. Surtout, elle a joué un petit peu dans deux films aussi, en plus de faire de la musique qui, elle a aussi influencé passablement de monde. Ensuite, on a eu Lilliput qui nous faisait des Maastrosen sur Split des Maastrosen, le 45 tours de 1980. Le groupe, on nous en a parlé souvent, on en a mis régulièrement du Lilliput. Il s'est formé sous le nom de Kleenex pour ensuite, lorsqu'ils se sont fait attaquer par Kimberly Clark Corporation, ils ont décidé de changer de nom pour s'appeler Lilliput. Moi, à leur place, je me serais appelé tout de suite Kodak. Ensuite, je serais fait poursuivre par Kodak. Puis ensuite, je serais appelé Frigidaire. Mais elles ont choisi Lilliput et elles n'ont pas été attaquées par les ayants droit des voyages de Gulliver. Ce qui aurait pu arriver aussi. Elles ont fait des trucs jusqu'en 83, de 78 à 83. On en met, comme je dis, assez régulièrement. Tout comme on met parfois des Stinky Toys, n'est-ce pas? Alors sur l'album, on terminait là-dessus avec Birthday Party sur Stinky Toys qui date de 79. Groupe avec Jacques No, Elie Medeiros, Bruno Caron, Albin Deria, Hervé Zenouda. Et c'est un groupe qui a aussi a une carrière assez courte, mais pas les artistes qui en font partie. Alors de 76 à 79, par la suite, ben, ils se sont séparés et Elie Medeiros et Jacques No ont parti le duo Elie et Jacques No, et avec une bonne popularité. Et moi, ce que je vous dis simplement, c'est à la semaine prochaine.